je fais passer le bonjour à mon grand ami Jouz, je sais pas comment ça se prononce. Jouz. Le monsieur qui sait tout jouer avec ses deux mains, il joue tout, la basse, tout. Il peut jouer et tout. C'est tout. De toute façon, il m'aime pas. C'est pas grave. Salut! We'll be right back.